faire, je connais Margot, une jolie blonde. Elle a les plus beaux yeux du monde, le plus gentil bonnet. Mais l'empereur m'a dit, l'amour passe après la guerre. Prends ton sac, ton petit Jean-Pierre. Alors je suis parti. Margot, j'adore ton petit bonnet. Margot, ton bonnet blanc si coquet. Il est ma joie et mon seul bonheur. À lui, j'ai donné tout mon cœur. Mais quand le petit ondu me dit, suis-moi, suis-moi mon ami, je suis tout prêt à donner ma vie, Margot, pour son petit chapeau. Thank you.